Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Il y a eu 100 ans, le mois dernier, Georges Clemenceau, le Tigre, était nommé par le président Poincaré à la tête du gouvernement français en pleine guerre. Franck Ferrand revient aujourd'hui sur cette grande figure de l'histoire politique française. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Comment le tombeur de ministère s'est-il mué en quelques mois en père la victoire? C'est une des questions que nous allons poser tout à l'heure avec à mon invité, Alexandre Duval-Stalla. Je suis toujours un petit peu tendu, vous savez, avant d'entamer une émission sur Clemenceau. Nos auditeurs savent bien que je ne l'aime pas beaucoup, cet homme-là, mais nous dirons qu'Alexandre l'aime pour deux. Et nous partirons ensuite sur les traces de Clemenceau. Oui, nous irons nous promener dans le bocage vendéen de son enfance, de ses vacances et de sa retraite. Nous visiterons autant Saint-Vincent-sur-Jard que Mouilleron-en-Parey, aux côtés de Clémentine Portier-Kaltenbach. Quant à Lorena Martin, elle nous dira un mot d'un autre enfant du pays, le maréchal de Lattre. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Le 16 novembre 1917, il y a donc eu un siècle, là, il y a quelques jours, le président de la République convoque Clemenceau à l'Élysée et le charge de former un cabinet. C'est Raymond Poincaré qui a convoqué Clemenceau. Inutile de vous dire que les deux hommes ne sont pas des amis. Triomphe du nationalisme, en tout cas de la guerre, une guerre à outrance au nom de la patrie, le nouveau chef du gouvernement s'apprête à mettre en place une véritable machine à faire la guerre. Vous connaissez la fameuse phrase « politique intérieure, je fais la guerre, politique extérieure, je fais la guerre, je fais toujours la guerre ». À l'intérieur, vous allez me dire, il fait la guerre. Oui, il l'a fait aux pacifistes, aux lâches, aux traîtres, aux socialistes, à tous ceux qui sont contre le gouvernement. Vouloir la paix aux yeux de Clemenceau en cette période de guerre, c'est vouloir forcément la défaite du pays. Et cette défaite, il la criminalise devant l'opinion. Il n'a cessé de le faire depuis 1914. D'ailleurs, le Tigre décide d'en finir une fois pour toutes avec son dernier grand adversaire pacifiste, Joseph Caillaux. À ses yeux, Caillaux est un agent de l'ennemi. Il faut s'en débarrasser. Alors, comment faire? Eh bien, on peut toujours demander au gouverneur de Paris de l'accuser d'intelligence avec l'ennemi. On verra bientôt, quand je dis bientôt, deux mois plus tard, l'ancien président du Conseil littéralement arrêté, accusé de rapprochement franco-allemand et de financement occulte du journal de gauche Le Bonnet Rouge. Il est traduit devant la Haute Cour de justice. Ah, on ne fait pas dans la demi-mesure avec le père Clemenceau. En mars 18, quand les Allemands s'approchent de Paris, Georges Clemenceau en vient même à se demander s'il ne faudrait pas aller jusqu'à fusiller Caillaux dans sa cellule. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Peut-être ne l'aurait-il pas fait. Le président du Conseil fait la guerre. Il l'a fait jusque dans le détail. Notamment, il s'applique à améliorer le sort des soldats dans les tranchées. Il faut vous dire que les soldats avaient depuis un certain temps maintenant l'impression d'être un peu abandonnés de l'arrière et notamment du monde politique. Et là, Clemenceau va jouer un rôle extraordinaire. Il est soucieux de mener le conflit dans cette France un peu découragée. Et il passe un tiers de son temps utile auprès des combattants eux-mêmes. Il a 77 ans, Clemenceau, il faut le voir, circuler en voiture dans les différents points du front. C'est sur cet engagement que le chef du gouvernement va refonder sa popularité. Aux yeux de l'opinion, si vous voulez, il devient l'homme énergique, l'homme sûr de lui, l'homme intraitable qu'on voit dans les tranchées et qui va nous mener à la victoire. Or, à Vienne, le comte Gjernine, qui entend bien saboter une fois pour toutes les tentatives de son propre empereur en faveur de la paix, Gjernine va révéler au Parlement autrichien des ouvertures qu'aurait faites Clemenceau. C'est ce que dit Gjernine. Vous imaginez? Clemenceau qui a toujours hurlé contre toutes les ouvertures de paix. Pour lui, cette révélation-là fait l'effet d'un coup de poignard. Et quand Clemenceau apprend cela, il est furieux. C'est un mensonge. On me discrédite dans l'opinion. Clemenceau possède des copies des deux lettres que l'empereur d'Autriche avait adressées au président français et il va les révéler, ces lettres. Un an après l'initiative de paix autrichienne, Clemenceau laisse éclater dans la presse les ouvertures secrètes de Charles Ier d'Autriche et ce faisant, inutile de vous dire qu'il heurte le trône du jeune souverain, ce qui n'est pas pour lui déplaire, évidemment. La publication des lettres va être un véritable choc en Autriche. Imaginez que l'empereur lui-même, maintenant, passe pour un traître, ça va être le début de la révolution autrichienne tout simplement. Et dans cette cinquième année de conflit, n'oubliez pas que l'Europe est en train de basculer. L'empereur austro-hongrois vacille donc, le tsar russe lui s'est déjà effondré, les bolcheviks se retirent de la guerre et signent avec l'Allemagne une paix séparée, on est en mars 18, hein, la fameuse paix de Brest-Litovsk. Et simultanément, nous en parlions l'autre jour, les Américains sont entrés dans la guerre, depuis le tournant de l'année, ils combattent vraiment. Il n'empêche que, libérés du front Est, les forces allemandes jouent leur dernière carte et dans une ultime offensive, elles atteignent les portes de Paris avant d'être, vous le savez, repoussées in extremis par les armées alliées sous la houlette de Foch. Finalement, les Allemands vont aller jusqu'à déposer les armes et le 11 novembre 18, l'armistice est signé. Et on peut dire ce jour-là, et on comprend que ce jour-là, Clémenceau ait eu l'impression, lui le républicain vendéen, lui l'homme de la revanche, l'impression d'avoir remporté la bataille de toute une vie, celle d'un homme qui un jour a fait la promesse de venger son père au nom de la République. Aujourd'hui, cet homme a vaincu l'ennemi allemand et surtout à ses yeux, c'est le plus important, c'est sans doute ce qui l'emplit de la plus intime fierté, il a rendu à la France l'Alsace et la Lorraine. Le père, la victoire. Voilà comment a été qualifié Clémenceau en raison de son action pendant la guerre. Et bien justement, nous sommes au cœur de l'histoire de Georges Clémenceau cet après-midi avec vous, Franck Ferrand. Alors on a vu son action pendant la guerre. Justement, comment Clémenceau, lui, a vécu ce 11 novembre 1918 ça a été le plus beau jour de sa vie. Ouais, ça a été une apothéose. Je pense qu'assez peu d'hommes politiques auront dans leur existence, d'hommes d'État, on peut le dire, auront dans leur existence vécu une telle apothéose, c'est-à-dire la pleine réussite d'un grand projet mené sur des décennies. Vous imaginez ça? Le 11 novembre 18, il est 5h30 du matin, quand au domicile parisien de Georges Clémenceau, on est rue Franklin, tout dans le quartier du Trocadéro, le téléphone sonne et au bout du fil, c'est le maréchal Foch qui annonce au chef du gouvernement que l'armistice vient d'être signé 15 minutes plus tôt, après 1561 jours de combats acharnés, de combats sans concession, et vous pouvez faire confiance à Clémenceau pour faire peu de concessions. Bref, la France et ses alliés viennent de gagner la guerre, de l'emporter face à l'Allemagne et à l'Axe. Georges Clémenceau reste muet d'émotion. On dit qu'il s'est pris la tête entre les mains et a laissé couler des larmes. Il avait 70 ans, je vous l'ai dit. Ça a été extraordinaire. Mon devoir est accompli, dit-il à ceux qui peuvent l'entendre à ce moment-là. J'envoie le salut de la France à l'Alsace et à la Lorraine récupérée. Bref, il savoure son triomphe et ça ne va plus arrêter de la journée. Rappelez-vous la scène incroyable sur la place de l'Opéra, Clémenceau dans son habituel café, qui sera bientôt rebaptisé le Café de la Paix, qui vient saluer cette foule qui l'acclame littéralement. Non seulement il est l'artisan principal dans la dernière phase de la guerre de la fameuse victoire, qu'il va d'ailleurs s'arroger, mais il en est, disons-le, le symbole et l'incarnation. Il va maintenant devenir également l'homme de la négociation de la paix. Quand je dis il est l'homme de la négociation de la paix, il ne faudrait pas oublier l'autre grand homme de cette question, peut-être plus important encore, le président américain Wilson, qui va venir sur place en France négocier le traité de Versailles, traité qui ne sera jamais ratifié par le Parlement américain. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Alors, tout ça, c'est bien joli, si je puis dire, mais qui est vraiment Clémenceau ? Celui qui donc a été surnommé le tigre par la classe politique. Pourquoi cet homme de gauche est-il devenu à ce point l'ennemi juré des socialistes ? Comment celui qui, en 1871, condamnait les communards parisiens pour leur violence, pour leur côté hors-la-loi, en est-il venu à conduire cette guerre à outrance contre l'Allemagne, mais surtout, en est-il venu à incarner à ce point l'ordre républicain, car il était l'homme de l'ordre, Clémenceau. Tout ça est complexe, bien entendu. Parmi ces victimes politiques depuis des décennies, alors, je vous ai parlé de Caillaux, mais il faudrait parler de Malvy, quand même, le socialiste, et puis avant ça, bien avant eux, Jules Ferry, entre autres, on pourrait faire une immense liste en vérité. Clémenceau les liquide l'un après l'autre. Je n'emploie pas le terme au hasard. Rappelons peut-être qu'il était né le 28 septembre 1841 à Mouilleron-en-Parret, donc en Vendée, autant dire dans une région de tradition royaliste et catholique. Il est le deuxième enfant d'une fratrie de six. Alors il faut l'imaginer grandissant dans une bonne famille, qu'est-ce qu'on appelle à l'époque une famille progressiste, pas libérale, c'est assez différent. Enfin, on ne va peut-être pas faire de grandes nuances à ce stade. Il était en tout cas, c'est son père l'était, très athée. Il y avait une véritable lutte contre la religion chez les Clémenceau. Et lors des promenades qu'il faisait avec son père dans le bocage vendéen, ce républicain farouche qu'était le père Clémenceau lui a transmis ses grands idéaux, cette république universelle qui devait éclairer le monde et cette monarchie qui était en quelque sorte le frein du progrès. C'est comme ça qu'il a été élevé. Or, ce père va être arrêté pour ses opinions subversives, déporté sous les yeux de son jeune fils. C'est la scène fondatrice de la vie de Clémenceau, nous y reviendrons tout à l'heure avec Alexandre Duval-Stalla. Il va faire, lui, des études de médecine, Georges, tout en poursuivant le combat politique de son père. Alors, je passe sur... Il y a toute une période où il s'en va aux États-Unis, où d'ailleurs il va rencontrer sa femme. On y reviendra, tiens, tout à l'heure. Mais c'est un autre sujet. Au moment de la chute du Second Empire, il est de ceux qui poussent à la République. Il devient maire de la commune de Montmartre. Il a 29 ans à ce moment-là. Et bientôt, il va rejoindre les insurgés qui prennent d'assaut l'hôtel de ville de Paris. La répression, à l'époque, elle est menée par celui qui dirige la garde nationale. Et qui dirige la garde nationale ? Un certain Jules Ferry. Et ça, croyez-moi, Clémenceau ne l'oubliera jamais. Quand survient la commune, Clémenceau, par sympathie, par opinion, aurait tendance à soutenir les communards. Seulement, il leur reproche d'être sortis de la légalité. C'est pour ça qu'il reprend le chemin de son pays natal. Il va repartir pour la Vendée. En 1876, il se fera élire député. Et alors là, on peut dire qu'il défend la politique la plus à gauche de toute sa carrière, une politique d'extrême gauche, on pourrait dire, avec un programme social incroyablement avancé pour l'époque. Il devient un ténor de l'Assemblée, un orateur de plus en plus redouté qui, au fil des années, va renverser donc 5 cabinets, dont celui de Ferry. Comprenez pourquoi on va finir par le surnommer le tombeur de ministère. Tout de même, en 1892... il est touché de plein fouet par le scandale de Panama. Jusqu'où est-ce qu'il a été mouillé dans cette affaire ? Toujours est-il qu'il est terrassé littéralement aux élections l'année suivante. Ça fait quand même une carrière en dents de scie, ça. Et vous voyez passer les années, et pour l'instant, toujours pas de très haute responsabilité dans cette carrière qui se manifeste surtout par ses intentions politiques, par son incroyable pouvoir d'éloquence à la tribune, mais pas tellement par un pouvoir de décision au gouvernement, et pour cause. Donc, Clémenceau, de nouveau, retourne à la presse. Et c'est là, c'est dans ce cadre qu'il va jouer ce rôle si important dans la défense du capitaine Dreyfus. Rappelez-vous le célèbre « J'accuse d'Émile Zola » titré, c'est la lettre ouverte au président Félix Faure hein, de janvier 1998, mais qui est titré par Clémenceau à la une de l'Aurore, bien entendu. En 5 années, Clémenceau va publier ou faire publier près de 700 articles de défense de Dreyfus. Et il devient d'une certaine manière dans la coulisse de cette Troisième République fortement secouée par l'affaire Dreyfus. Il devient l'homme qui incarne le dreyfusisme, la défense du capitaine injustement condamné. Et d'ailleurs, lorsque ce sont des partisans de Clémenceau qui finissent par accéder au pouvoir, eh bien on voit les choses évoluer. Hein. Dès la fin de la dernière année du siècle. Et puis, en mars 1906, qui est l'année de réhabilitation du pauvre capitaine, ça y est, si je puis dire, Clémenceau est appelé au ministère de l'Intérieur. Et 6 mois plus tard, à la tête du gouvernement, vous savez qu'à l'époque, on n'était pas seulement Premier ministre, hein, on n'était pas à Matignon, on était en charge d'un portefeuille et, par ailleurs, chef du gouvernement, on appelait ça président du Conseil, sous-entendu du Conseil des ministres. Clémenceau a 65 ans à l'époque, voilà, Nous en sommes là, 65 ans, et c'est la première fois qu'il tient vraiment, mais alors solidement, en main les rênes du pouvoir. Cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand vous emmène au cœur de l'histoire de Georges Clemenceau, l'homme de tous les paradoxes. Et vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. N'hésitez pas à poster vos messages et vos questions sur Twitter avec le hashtag ACDH et sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Et cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire de Georges Clemenceau. C'est un homme politique, on l'a vu, qui a une carrière plutôt en dents de scie. Jusqu'à ses 65 ans, où il tient pour la première fois de sa carrière les rênes du pouvoir. Ça y oui, est, alors hein. Il est aidé par les socialistes dans un premier temps, mais disons-le, son alliance avec les socialistes ne va pas tarder à se fissurer. On peut dire que sa dureté dans la gestion du drame de Courrières n'y est sûrement pas étrangère. Le Tigre fait régner l'ordre dans une France qui a été secouée par tous ces problèmes. Son gouvernement sera renversé, on a envie de dire, il y a quand même une justice, il sera renversé en juillet 1909, et là, comme il l'avait déjà connu à deux reprises, ça va être la troisième traversée du désert, si je puis dire. Un Clemenceau doit s'éclipser. En 1911, le très peu belliqueux Joseph Caillaux, président du Conseil, évite un conflit de justesse. Seulement, il a dû céder à l'Allemagne une partie du Congo français. Alors là, ça fait un scandale terrible. Clemenceau ne digère pas ça. Et une fois de plus, l'héritier de la Révolution va faire briller la flamme patriotique. En 1913, dans son journal, il sonne l'alerte face à la menace allemande. Et l'homme libre va devenir une véritable tribune pour les partisans de ce qu'on appelle la loi des 3 ans. Vous savez, cette loi qui vise à allonger la durée du service militaire en vue de préparer la guerre. Et lorsque le 3 août 1914, l'Allemagne va déclarer la guerre à la France, eh bien on peut dire que pour Clemenceau, le grand moment est venu. Poincaré va le convoquer déjà à l'Élysée à ce moment-là et lui proposer en août 14 d'intégrer le gouvernement d'Union Sacrée qui vient de se créer. Seulement, Clemenceau ne veut pas intégrer le gouvernement. Lui, ce qu'il voudrait, c'est diriger le gouvernement. Et là, il n'y a donc pas d'accord. Clemenceau est convaincu que la patrie tout entière doit se mettre au service de la victoire. Alors, il est élu, c'est un pis-aller, si je puis dire, président de la commission des armées au Sénat. Très important en temps de guerre, ça, bien entendu. Il va tout faire pour intimider ses adversaires. Il épluche les rapports, il dresse des notes, il organise des fuites au profit de son journal. Au point qu'un ministre de l'Intérieur, dont j'ai tout à l'heure cité rapidement le nom, Louis-Jean Malvy, décide de faire censurer l'homme libre. Oh, ben, qu'à cela ne tienne, 2 jours plus tard, le journal reparaît. Et il reparaît sous un nouveau titre. Ça devient l'homme enchaîné. Clemenceau continue de dénoncer férocement le pouvoir militaire, la gestion de la guerre par des civils incompétents, etc. Il faut lire toutes les tribunes de Clemenceau. Hein. Il est d'une critique, c'est-à-dire que d'un côté, c'est l'homme qui dit que tous les efforts du pays doivent tendre à la victoire, et d'un autre côté, il tape sur le commandement de tous azimuts et toutes directions. Fin 1916, quand le tout nouvel empereur d'Autriche va donc commencer à faire des ouvertures de paix à Paris, et là vous voyez que la boucle est bouclée, dans la perspective d'une éventuelle paix séparée, alors là, Clemenceau voit rouge. Et du coup, le nouveau président du Conseil, Alexandre Ribot, qui, comme Poincaré d'ailleurs, aurait été plutôt favorable à la négociation, à l'idée d'une paix négociée, eh bien Ribot va faire machine arrière. Clemenceau pèse de tout son poids contre la moindre amorce de paix négociée. Et l'on peut dire pourtant que si la paix avait pu être faite au tournant de cette année 1917, imaginez qu'on puisse la faire fin décembre pour Noël 1916, ou au moins l'envisager. Ce sont non seulement, bien sûr, d'abord plusieurs centaines de milliers de vies qui auraient pu être sauvées, c'est un fait, mais par ailleurs, ce sont des souffrances infinies qui auraient pu être évitées. C'est la révolution russe qui n'aurait sûrement pas pris le même tour, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est les États-Unis qui ne seraient probablement pas entrés en guerre. C'est l'Empire austro-hongrois qui ne se serait pas effondré. Bref, vous imaginez un peu le cataclysme européen qui aurait été évité. Est-ce que Monsieur Clemenceau est le responsable de tout cela? Est-ce qu'il en est même le seul responsable? Non. On a voulu me faire dire dans le passé ce que je n'ai jamais dit. Ce sont des accusations qui seraient excessives. Le principe de national réalité qui est la véritable cause de la dislocation de l'Autriche et le véritable inspirateur de la paix de Versailles. On le sait, c'est le président Wilson, encore une fois, hein, bien plus que Clémenceau. Tout ça est vrai. Et de même, ce sont les Anglais et les Russes qui, soucieux qu'ils étaient de rétablir une Pologne, ont porté le coup de grâce à l'ancien équilibre Habsbourg. Tout ça est vrai. Mais quand même, il me semble que dans cette affaire, le Vendéen porte une certaine responsabilité. Bonjour Alexandre Duval-Stalla. Bonjour Franck Ferrand. Bon, je n'ai pas, contrairement à ce que certains s'imaginaient encore, je n'ai pas prononcé un réquisitoire contre Clémenceau. J'ai simplement essayé de montrer la quantité de paradoxes dont cet homme semble être la difficile synthèse. Paradoxal quand même, votre ami Clémenceau, non ? Il était effectivement très paradoxal, mais un peu comme tout homme de génie et d'une certaine valeur. Il était brillant, très intelligent, et je crois qu'il a aimé et adoré la politique au point que ses adversaires étaient, qu'il provoquait d'ailleurs souvent en duel, étaient pour lui un grand jeu. Ça, il faut le dire. Hein, et il avait vraiment un sens. Alors, lui, le républicain, etc., il avait un sens très ancien régime de l'honneur. Ça, il faut le dire. Tout à fait. Et il avait effectivement chevillé au corps, notamment grâce à son père, cette idée et les idéaux de la République qu'il a porté tout au long de sa carrière politique, d'abord avec les grandes issues notamment de Gambetta, avec les grandes libertés publiques, et puis ensuite effectivement dans la guerre, puisque cette guerre est avant tout une guerre pour la justice, qui est vraiment l'idéal porté par la France face aux empires qui sont face à la France et qui, eux, portent effectivement l'autoritarisme en politique. Alors, nous allons revenir sur toute la carrière, sur toute la vie de Clémenceau ensemble. Il y a tellement de choses à évoquer. Un mot quand même des négociations de paix de 1919. Clémenceau, en juin 19, va signer au nom de la France ce fameux traité de Versailles. On le considère, à tort ou à raison, comme le père du traité de Versailles. En tout cas, c'est lui qui a voulu que le traité soit signé dans la Galerie des Glaces pour effacer le souvenir du 11 janvier du 18 janvier 1871, hein, c'est-à-dire de la proclamation de l'Empire allemand. Clémenceau est-il d'une certaine manière à l'origine de tous les désordres des années 20 et 30, de la montée des fascismes et de la course à la Seconde Guerre mondiale ? Alors, juste avant de vous répondre à cette question-là, je voudrais revenir sur la question effectivement des pourparlers de paix qui auraient eu lieu. En fait, cette histoire n'aurait jamais pu, Clémenceau ou pas, en fait, n'aurait pas pu avoir lieu. D'une part parce que il faut comprendre que la situation géopolitique est quand même des démocraties face à des empires autoritaires liés par des familles en fait royales. Ensuite, c'est pour parler de paix, arrive beaucoup plus tôt que l'arrivée de Clémenceau, parce que Clémenceau va arriver en novembre 17. Donc en fait, l'entrée des États-Unis... Il est à la tête à l'époque de la commission du Sénat qui va peser sur le gouvernement Ribot. C'est ça la question ? Tout à fait. Mais ensuite, vous avez quand même aussi une négociation qui passe par le Vatican avec un gouvernement qui est surtout composé d'anticléricaux et de francs-maçons, et donc il y avait peu de chances que ces négociations aboutissent. Il y avait les Anglais pour faire le go-between, si je puis dire, puisque Lloyd George, était tout à fait favorable, lui. Et puis, dernier élément, il y avait l'Italie, puisque l'Italie, effectivement, se détache de l'Autriche-Hongrie et n'a aucune envie qu'effectivement, à un moment, l'Autriche-Hongrie reprenne finalement le pas sur son engagement à côté des Alliés. À mon avis, sans faire injure à l'Italie, on s'en serait arrangé de l'Italie, comme on l'a fait dans tous les derniers traités depuis 250 ans. Bref. En tout cas, sur la paix, effectivement, on a beaucoup dit que Clémenceau avait gagné la guerre, mais qu'il avait perdu la paix. En fait, la réalité, c'est qu'il y avait tellement d'acteurs autour de la table que la force de Clémenceau n'a pas été suffisante pour imposer, effectivement, les conditions très dures qu'il souhaitait imposer au reste de l'Europe. Les Anglais voulaient un équilibre sur le continent et non pas une France triomphante. Les Américains étaient sur leurs principes généreux. Et puis l'Italie, de son côté, n'avait pas voulu effectivement aller plus loin dans ces négociations de paix. Nous allons dans un instant revenir sur l'ensemble de la vie du tigre. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Incognito. Maintenant sont devenus des cerveaux, ni grands ni gros. Ils ont laissé leur vélo, leurs chevaux. Pendant ce temps-là, dans vos salons, pour voir des horreurs qui ne vaudront sûrement pas un radis, c'est moi qui vous le dis, Monsieur Picasso. Des dames au diams gros comme des pruneaux. Un extrait de la série, du générique de la série créée par Claude Desailly, Les Brigades du Tigre sur Europe 1. Cet après-midi, nous sommes au cœur de l'histoire de Georges Clemenceau et nous allons découvrir l'homme et sa vie grâce à votre invité Franck Ferrand. Vous recevez Alexandre Duval-Stalla, il est avocat au barreau de Paris et auteur de la biographie croisée Claude Monet, Georges Clemenceau, une histoire de caractère parue chez Gallimard. Alors là, évidemment, l'amitié avec Monet, c'est la partie la plus douce, la plus lumineuse, la plus vraie, la plus tendre de la vie de cet homme très dur qu'était Clemenceau. Oui, voilà, là vous montrez à quel point il avait un cœur. Et là, on ne peut qu'adhérer d'ailleurs à tout ce que dit, tout ce que fait Clemenceau. C'est un homme attentionné pour son ami Monet. Hein. Très attentionné pour son ami Monet. Il y a vraiment une relation extrêmement fraternelle entre les deux. D'ailleurs, lorsque Monet est un peu dépressif, notamment lorsqu'il a des problèmes de Dieu et qu'il est obligé de se faire opérer, il y a Clemenceau va vraiment le soutenir et le supporter, j'allais dire, dans tous les sens du terme. À la fois son mauvais caractère, ils étaient deux mauvais caractères, mais quel caractère. Et donc, il y a une amitié effectivement extrêmement lumineuse entre les deux. Mais il était aussi avec son entourage extrêmement proche, enfin très très attentionné avec son entourage. C'est vraiment une des caractéristiques de Clemenceau. Il était, j'allais dire, à l'intérieur très très humain et à l'extérieur très combatif. L'ouvrage s'appelle donc tout simplement Claude Monet, Georges Clemenceau, une histoire de caractère. C'est paru chez Gallimard il y a quelques années, mais ça se trouve toujours très facilement, Alexandre Duval-Stalla. Alors, pardon, hein, je vais me faire un peu, non pas l'avocat du diable, mais allez, je vais essayer d'être un peu objectif. Ce n'était pas un petit prodige, votre Clemenceau. Il n'a pas été très... Il a mis du temps à s'imposer, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on dit qu'il n'était pas, d'ailleurs, qu'il n'a jamais brillé, ni comme élève, ni comme médecin, ni comme précepteur à l'époque où il l'a été. C'était pas quand même quelqu'un de très brillant a priori, avant que la politique ne révèle un immense caractère. Écoutez, c'était quand même il a quand même fait sa médecine, il a quand même réussi sa médecine. Ensuite, je pense qu'il avait chevillé au corps la politique. Alors peut-être que les plus brillants des Français ne font pas de politique, ils sont peut-être beaucoup plus intelligents. Il n'a pas créé d'école, par exemple. Il n'y a pas de clémencisme, ça n'existe pas. Non, il n'y a pas de clémencisme parce qu'en fait, dans l'histoire du socialisme va du coup recouvrir en fait l'histoire de Clemenceau. Il faut se rappeler que Clemenceau est radical socialiste, donc il n'est pas dans cette mouvance liée à Jaurès, et d'ailleurs il s'opposera à Jaurès, c'est un peu le pragmatisme face au mirage socialiste, et donc il est dans cette histoire socialiste, j'allais dire un peu seul, puisque l'histoire socialiste va se continuer après Jaurès, notamment avec Blum, avec François Mitterrand. Et donc Clemenceau n'est pas dans les grandes figures de la gauche, et pourtant tout au long de la Troisième République, c'est lui qui va porter les plus grandes réformes de la Troisième République, toutes les libertés, la liberté d'expression, l'amnistie des communards. Il y a vraiment chez lui une attention, et notamment une attention aux problèmes sociaux, puisqu'il sera très attentif aux questions sanitaires et aux questions de prison qui me sont chères, comme vous le savez. Il est d'une grande humanité, d'une grande ouverture en général, dans les grandes questions, et d'une dureté, d'une férocité invraisemblable à titre personnel et dans les questions subjectives. Je crois que dans le marigot politique, effectivement, il avait la dent très dure, mais en même temps, je pense que la médiocrité peut-être aussi du personnel politique faisait qu'il avait aussi des moyens. Il avait aussi le sens de l'opinion. C'est un homme de presse. Il est excellent comme éditorialiste. Il est éblouissant comme tribun. C'est quelqu'un qui est capable de faire monter une mayonnaise, si je puis dire, et de porter un projet ou au contraire de le descendre. Oui, c'est un excellent communicant, même si le terme est un peu anachronique. Il a effectivement ce sens de l'opinion publique. Alors, d'une part parce qu'il l'anime par ses journaux. Et puis ensuite, il va savoir précéder une opinion publique. C'est notamment dans l'affaire Dreyfus où il va avoir cette conviction qu'effectivement, au-delà, j'allais dire, de la culpabilité de Dreyfus, il y avait une question de justice extrêmement importante. Et donc, il va vraiment porter cette question. Mais aussi pendant la guerre, le fait qu'il se rende un tiers de son temps, vous l'avez rappelé, au front, hein, vraiment dans les tranchées, c'est un élément extrêmement important. Le président de la République, donc Raymond Poincaré, était toujours plutôt habillé en habit et ne se rendait très peu dans les tranchées. Et donc le fait que Clemenceau vienne dans les tranchées, se coltine haut, poilu. Et il y avait vraiment une relation extrêmement une forte et une proximité. C'est un homme de terroir, Clémenceau. Hein. Alors, c'est un homme de terroir, mais il y avait, au-delà, j'allais dire, de cette communication, parce qu'il avait compris hein, que, en fait, Clémenceau, c'est quoi ? C'est, en novembre 17, c'est l'énergie. C'est-à-dire que c'est l'énergie qui va permettre à la France de gagner, d'être là jusqu'au bout sur les Allemands. Et c'est cette énergie, en fait, qu'il va transmettre aussi aux poilus dans les tranchées. Est-ce que finalement, ça n'est pas cette énergie qui est le point commun à tout ce dont nous parlons ? Est-ce qu'il n'est pas d'abord une force, cet homme-là ? Et ça permet d'expliquer à peu près tous les prétendus paradoxes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est en force, c'est en énergie qu'il s'inscrit, et non pas en forme et en nuance et en subtilité, en fait. C'est une force qui va ? C'est une force qui va, oui, voilà, on peut pouvoir dire ça. Avec plus ou moins d'élégance, parce que la force est rarement très élégante, en 1907, alors qu'il est là président du Conseil, il y a cette terrible affaire des vignerons du Midi, il va recevoir Marcelin Albert, oh, j'ai eu l'occasion de raconter ça déjà, il le trahit d'une façon, il va l'entourlouper le pauvre homme, et d'un héros finir par faire littéralement un bouc émissaire. C'est pas très sympathique tout ça quand même. Il a de mauvaises manières. C'est un peu un mufle, Georges Clémenceau, non ? Je vois là votre adoration pour le personnage. Je pense que face à une situation politique, il utilise effectivement toutes les armes. Il faut comprendre qu'il y a donc de violentes manifestations et une grève chez les viticulteurs dans le sud, qu'il faut bien régler le problème. Et donc effectivement, ce personnage vient à Paris et pour lui payer son taxi, Clémenceau va lui donner de l'argent, ce qui donnera... Mais il va attendre que les photographes soient là pour lui donner ostensiblement le billet comme s'il l'achetait, alors qu'en fait c'était officiellement pour lui payer son taxi. C'est une entourloupe politique. Card, mais comme Clémenceau, on a utilisé beaucoup quand même. C'était un peu son quotidien, ça. Il a été effectivement, je pense, très heureux dans ce milieu politique et parlementaire. Il a joui de toutes ces facéties et de toutes les occasions qu'il avait, à la fois ses bons mots, hein, les bons mots, notamment sur l'Académie française, extraordinaire. Je trouve qu'il a quasiment autant d'humour, on peut même dire qu'il a autant d'humour que Churchill. Ce sont les deux grands politique humoriste du XXe siècle. Il y a un dictionnaire des méchancetés, et donc est en image de ce dictionnaire la figure de Clémenceau. Ouais, bien sûr, non, mais ça, il faut reconnaître qu'il est éblouissant dans ce registre-là. On parle un peu de sa vie privée. Oui, tiens, on va parler un peu de sa vie privée. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes jusqu'à 15h aujourd'hui au cœur de l'histoire de Georges Clémenceau avec votre invité Alexandre Duval-Stalla qui est avocat au barreau de Paris. Nous découvrons l'homme politique, nous allons maintenant découvrir l'homme et sa vie privée. Alexandre Duval-Stalla qui est également l'auteur d'une biographie croisée entre Claude Monet et Georges Clémenceau, une histoire de caractère parue chez Gallimard. Et j'ai entre les mains l'ouvrage que Perrin fait paraître, l'ouvrage de Michel Vinoc. Clémenceau, c'est l'édition du centenaire de cette biographie bien connue, bien célèbre. Le caractère de Clémenceau, demande Michel Vinoc. Nul doute qu'il a compté pour beaucoup. L'homme épris de liberté est un individu de volonté farouche, dominateur, mieux disposé à l'intransigeance malgré ses efforts qu'à la conciliation. Et puis, il y a son verbe, ses boutades assassines, son ironie, ses sarcasmes, ses réparties, ses épigrammes, tous ces mots qui tombent comme des coups de hache sur la tête de ses adversaires. Impulsif, il est conduit à commettre des impairs, à favoriser les rancunes contre sa personne. Trop sûr d'avoir raison, il ne prend pas toujours le temps d'écouter. Il a tendance à prendre ses interlocuteurs pour des imbéciles. Toujours cette force, cette énergie, en fait, qui balaie tout, y compris parfois un peu lui-même. Alors, j'ai promis à nos auditeurs, juste avant l'interruption, que nous évoquerions un peu sa vie privée. Il a quand même pas été tendre avec son épouse Mary Plummer, qu'il était allé chercher de l'autre côté de l'Atlantique. Racontez-nous ça en deux mots, Alexandre Duval. Il rencontre Mary Plummer, puisqu'il donne des cours d'équitation et de français. Donc il rencontre cette jeune américaine dont il tombe amoureux et dont il fera sa femme, qu'il ramènera en France. Et puis, à l'époque, les conceptions étaient beaucoup moins, j'allais dire, féministes qu'aujourd'hui. Donc, Madame Clémenceau restait à la maison en Vendée. Et puis, il se trouve que monsieur, à Paris, profitait, j'allais dire, des plaisirs de la vie parisienne. Et madame a eu un moment de faiblesse avec le précepteur des enfants et Clémenceau l'a appris et il a donc signifié son congé à sa femme et l'a renvoyé aux États-Unis. Lui était d'une infidélité proverbiale. On compte ses maîtresses, attention, tenez-vous bien, par centaines. Et là, il y a une petite bluette entre son épouse et un secrétaire. Apparemment, il ne s'est rien passé d'ailleurs. Et il la met dehors. Elle n'a même pas le droit de venir rechercher ses affaires. C'est un peu fort, c'est non conception particulière de la relation de couple, effectivement, au 19e siècle. Oui, c'est assez... En fait... Clémentine Portier-Calton, oui, qui s'invite dans le débat. Je me permets une petite incise féministe, c'est que Victor Hugo a fait exactement la même chose. Il a eu des centaines de maîtresses et sa femme l'a à peine trompé avec Sainte-Beuve et il a écrit sur sa dépouille « Adieu, chère morte, pardonnée ». Donc les messieurs, généralement, ne sont pas aussi tatillons et exigeants pour eux-mêmes qu'ils le sont pour leur épouse légitime. C'était cette... J'ai dit. Cette parenthèse hugolienne de Clémentine Portier-Kaltenbach. Vous aurez compris pourquoi j'ai invité un avocat aujourd'hui pour parler de Clémenceau. Parce qu'il y a beaucoup d'arguments pour défendre Clémenceau aujourd'hui. Mais non, mais il a besoin, non, d'un bon avocat. Parce que, quelle que soit l'immensité de la figure et la stature du personnage, personne ne doute de ses qualités d'homme d'État, de sa très grande, de son dévouement absolu à la patrie. Tout ça est incontestable. Son amour de la République, du fameux ordre républicain. Bon, il y a, comme vous l'avez dit, une fibre sociale très grande chez Clémenceau. Mais tout ça n'est-il pas gravement endommagé par tous les travers que nous ne cessons de répertorier depuis le début de l'émission ? Et encore, nous sommes loin d'être exhaustifs. On peut voir aussi les choses à l'inverse et dire qu'effectivement, son œuvre politique, sociale rattrape, j'allais dire, ses défauts. Oui, peut-être. Clémenceau n'était pas un saint et je pense que d'ailleurs, en politique, on n'attend pas de saint. Non. Et en la matière, Clémenceau a surtout poussé effectivement, je pense, les valeurs les plus fondamentales de la République et surtout, cette victoire qui n'était pas du tout acquise en 1918, j'allais dire, rachète les fautes de Clémenceau qui pourtant n'allait pas à Confest. Alors Clémenceau finit par accéder, donc nous avons vu à peu près toutes les circonstances. Non, il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué du tout mais qui est très important, c'est la question de la commune. Et à cette époque-là, encore un paradoxe, c'est-à-dire qu'il serait plutôt du côté des très très à gauche et en même temps il refuse d'entrer dans la totale illégalité. Tout à fait, parce qu'à un moment, il va, généraux loyalistes sont arrêtés par les communards et ils vont être soumis à la vindicte de la foule et donc mourir, bien évidemment, lynchés par la foule. Clémenceau va s'y rendre justement pour essayer de ramener le calme et puis il s'aperçoit qu'en fait, qu'il allait être lynché lui aussi. Et donc, il va condamner effectivement cette violence et je pense que toute sa vie, en fait, cette ligne très particulière, c'est-à-dire cette fidélité au droit à cette et gauche, à la légalité. Voilà. Et, alors, d'abord, cette fidélité, j'allais dire, intellectuelle à la gauche et en même temps, ce souci de ne pas être une gauche révolutionnaire, de ne pas justement être les socialistes que représente Jaurès, c'est-à-dire encore une gauche révolutionnaire. Il faut comprendre qu'en fait le socialisme en 1901 va se partager entre les communistes et la SFIO, mais elle est au départ un socialisme révolutionnaire et donc Clémenceau n'est pas du tout dans cette fibre-là. Il faut comprendre qu'il a une partie du radicalisme qui est en lui, c'est-à-dire des gens qui sont respectueux effectivement du droit. On aurait pu parler peut-être, dire également un mot de l'affaire de Panama, etc. Je préfère en venir à l'essentiel, c'est-à-dire on célèbre là en ce moment le centenaire de l'accession de Clémenceau au pouvoir, du retour d'ailleurs devrait-on dire de Clémenceau à la présidence du Conseil, à un moment très décisif puisque c'est la dernière année de la guerre, de la Grande Guerre. Il va finir par apparaître comme le vainqueur de la Première Guerre mondiale puisqu'il était au pouvoir et d'ailleurs il a fait la guerre, ça c'était son programme, son seul programme. Comment est-ce qu'on pourrait définir ce chef de gouvernement qu'a été Clémenceau pendant cette année-là ? Est-ce que c'était un homme qui s'entourait de conseillers ? Est-ce que c'était un homme qui écoutait ? Est-ce que c'était un... On l'a vu beaucoup sur les tranchées. Que faisait-il pendant les deux tiers du temps où il n'était pas auprès des combattants ? Alors, effectivement, ça sera d'ailleurs dans les commémorations avec la mission du centenaire, c'est l'année Clémenceau qui a débuté en novembre, donc novembre dernier jusqu'en novembre 18. Il a tout au long de cette année, en fait, d'abord changé les généraux, puisque c'était important, j'allais dire, de redonner du souffle à ses généraux. Il a notamment choisi Foch pour finir la guerre. Il a notamment écarté aussi Pétain, qui, pendant l'entre-deux-guerres, rattrapera un peu cette histoire, mais... il a dès cette époque-là, Clémenceau était très sévère à l'égard de Pétain qu'il jugeait pusillanime. Et donc, il va déjà changer les généraux. Ensuite, il va faire en sorte qu'il y ait un commandement commun des différents alliés pour que désormais, il y ait une unité à la fois politique et militaire pour achever la guerre. Et puis ensuite, il y aura, donc à partir du printemps jusqu'à octobre, cinq grandes offensives militaires allemandes qui échoueront systématiquement sur la valeur et la bravoure des soldats français alliés également les Anglais et puis les Américains. Et c'est ce qui fera en sorte qu'effectivement, à ce moment-là, les choses tomberont. D'abord l'Empire allemand, puis ensuite le délitement qui en fait masquait le délitement de l'Empire austro-hongrois. Et la vieille haine de Clémenceau pour la monarchie va trouver à s'exprimer dans le règlement de la paix, puisque le démantèlement de l'Empire austro-hongrois sera sa grande œuvre, si je puis dire. Lui qui était l'ami de l'archiduc Rodolphe, de l'héritier du trône austro-hongrois quelques décennies plus tôt. En fait, c'est la fin d'un siècle, du 19e siècle. C'est-à-dire, on a commencé avec les guerres de conquête napoléonienne et donc, d'une certaine manière, l'exportation de la Révolution française en Europe, puis un mouvement de réaction des monarchies européennes, et enfin, cette grande guerre qui clôt ce grand chapitre et qui va initier, en fait, l'émergence des démocraties libérales dans l'Europe après 1914-1918. Merci beaucoup, Alexandre Duval-Stalla. Votre biographie croisée de Claude Monet et Georges Clémenceau est publiée chez Gallimard, et l'édition du centenaire du Clémenceau de Michel Vinocq chez Perrin. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et il est temps maintenant d'aller sur les pas de Georges Clémenceau, et notre guide cet après-midi, votre guide sur Europe 1, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach, elle est chroniqueuse d'histoire et vous pouvez la lire dans les pages de Femmes Actuelles. Bonjour Clémentine. Bonjour Franck. J'ai oublié de citer le dictionnaire Clémenceau, évidemment dictionnaire de Sylvie Brodziak et Samuel Tomei, publié chez Robert Laffont dans la collection en bouquin, vous savez. Ce dictionnaire est préfacé par Jean-Noël Jeannenet. Ça aurait été inouï de l'oublier, pardon, et merci Alexandre Duval-Stalla de me l'avoir fait remarquer. Alors, Clémenceau aimait son bocage vendéen. Hein. Oui, et alors... La Vendée est mon pays natal, disait-il, il n'y a pas ici un arbre qui ne soit un ami. Il a pourtant énormément voyagé. Lorsqu'il a enfin pris sa retraite autour de 79 ans, il a été un petit peu partout, en Égypte, aux Indes, aux États-Unis, mais il ressentait le besoin de renouer avec sa Vendée natale. Il voyage aux Indes à 80 ans. Oui. Il a même été à la chasse au tigre, hein. Et ça, non pas sa descente de lit, mais sa couverture, comme je vais vous le dire dans une minute, lorsque je vous parlerai de sa chambre, pièce majeure de sa guitoune, de sa bicoque, sa cabane de paysan, comme il l'appelait, son petit château horizontal. Eh bien, c'est une petite maisonnette qu'il a louée à Saint-Vincent-du-Jard, en Vendée, qui est devenue un musée. Vous ne pouvez pas vous y tromper. Il y a un drapeau bleu, blanc, rouge. Et c'est dans un lieu dit qui s'appelle Belle-Esba, et que Clémenceau, avec beaucoup d'esprit, a rebaptisé Belle et Bas. Qu'est-ce que ça voulait dire ? C'est un endroit, il faisait bon s'égayer sur la plage et à l'intérieur de la maison. Et donc, il loue cette maison pour un loyer symbolique d'un franc au colonel Luce de Trémont, un hobereau bien catholique des environs, mais qui avait pour principale qualité d'avoir été commandant pendant la Première Guerre mondiale. Et finalement, un bail à vie lui sera consenti pour un loyer de 150 francs qui sera reversé à une famille nécessiteuse de la commune. Est-ce que la chose était publique ou pas, Franck ? Ne me posez pas la question, je n'en sais rien. En tout cas, cette maison, elle est formidable parce qu'elle est restée en l'état. Tout à fait, parce que le fils de Clémenceau en a fait cadeau à l'état en 32, Clémenceau étant mort en 29, vous le disiez, Franck. Donc, rien n'a bougé. Entrons dans cette maison, à commencer par la chambre. Donc, pièce maîtresse de la chambre, le lit. Clémenceau le fait rehausser pour pouvoir, en étant allongé, être face à l'océan, car c'est la principale caractéristique de cette maison, c'est qu'elle est ancrée dans les dunes face à la mer. Une maison très modeste, hein, je le répète, tout en longueur comme une longère, peinte en blanc avec des petites tuiles rouges, vraiment très très modeste. Donc, il y a à l'entrée de la chambre, il y a deux kakémonos. Ce sont des petits renards en bronze qui portent bonheur et qui semblent garder l'entrée de la chambre de Clémenceau. Avec beaucoup d'esprit, il les a baptisés Pasteur et Rothschild. Donc Pasteur et Rothschild montent la garde. Sur le lit dont je vous parlais, celui rehaussé face à la mer, une dépouille de tigre avec des yeux bleus absolument magnifiques. Il en avait chassé deux ou trois au Bengale. L'un d'autre se trouve dans sa Rolls pour se couvrir quand il fait froid. Est-ce qu'on roule en Rolls quand même? Alors, il roule en Rolls, c'est le dernier luxe qu'il s'est accordé, la Rolls. Alors, soyez indulgents, c'est non, un financier grec, Basil Zaharoff, qui lui a donné une Rolls. Qui est un grand marchand d'armes, en l'occurrence. Oui, bon, qui avait employé le fils de Clémenceau. Tout ça n'est pas forcément non plus très bien. Mais enfin, le malheureux Clémenceau avait dû restituer la Rolls que lui avait offert Georges V. Donc, son ami, Basil, lui en a offert une autre. Et il a donc Basil un Zaharoff, chauffeur. C'est un beau sujet, ça. Alors, il a là-bas, il vit très, très simplement, Franck. Il vit avec sa cuisinière, Clotilde. avec son majordome, Albert Boulin, et puis de temps en temps, il y a son jardinier et Snar qui vient sur place. Il y a ce bureau extraordinaire. Le bureau, bien sûr, le bureau avec sa plume d'oie. Clémenceau écrivait la nuit à la plume d'oie. Il y a son encrier à côté. Il y a sur une petite armoire, d'abord, il y a la bibliothèque tournante de son père, à laquelle il était très attaché. Sur une armoire, une petite figurine en faïence représentant une petite Alsace-Lorraine. Clin d'œil à la reconquête de la province perdue. Il y a également des Bouddhas, beaucoup d'objets qui témoignent de l'attachement de Clémenceau pour l'esthétique japonisante. Des pistolets, vous parliez tout à l'heure, Alexandre Duval-Stalla, de son amour des duels, certains de ses livres. Donc vraiment, un très beau jardin. Un décor inouï avec la mer. Il s'est battu pendant 3 ans à coups de fumure, de goémon, pour éviter le dessèchement de ses anémones par les vents, les vents marins desséchants. Oui, vous pouvez pas comprendre ce que c'est, ça vous fait rire. Et alors surtout, au-dessus de ce jardin incroyable, deux kwanobori, vous savez, ce sont des manches à air japonaises qu'on utilise pour la fête des enfants. Il y en a un qui soufflait dans le vent pour attester que le maître était dans les lieux, et l'autre pour indiquer la force du vent. Il y a beaucoup de choses à voir, c'est un merveilleux musée, on est dans ses meubles et chez lui, et vraiment ça vaut la peine. La mer ici m'enchante, disait-il à Monet, il y a des bleus et des verts sur la palette du ciel, on en ferait des tableaux. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Bonjour Lorena. Bonjour Franck. Alors nous restons dans la région et on va à Mouilleron, qui est le village natal de Clémenceau. Le village natal de Clémenceau et aussi celui de Jean Delattre. Alors voilà. Puisque Jean Delattre de Tassigny, celui qui a signé la capitulation de la Seconde Guerre mondiale, est né à 300 mètres de la maison de Clémenceau. C'est-à-dire que l'homme qui règle pour la France la Première Guerre mondiale et celui qui va régler la Seconde sont tous les deux nés à Mouilleron-en-Parée. À Mouilleron-en-Parée. Et donc leurs maisons natales sont à côté. Aujourd'hui, seule la maison natale de Jean Delattre se visite. Mmh. C'est le musée des Deux Victoires, le musée national Clémenceau Delattre. Et ce musée existe depuis 1959 et il établit un parallèle entre Clémenceau et le maréchal de France, leur naissance à Mouilleron-en-Parée, leur rôle dans les deux guerres mondiales, etc. On y voit des objets personnels, des documents, des gravures et des photographies qui évoquent vraiment leur vie. Quant à la maison natale de Clémenceau, elle va ouvrir en mai ou juin 2018 à Mouilleron-en-Parée. Donc, et ce musée Clémenceau Delattre sera composé des deux maisons natales avec la rue du Temple qui sera un petit peu le trait d'union entre les deux propriétés. Et ce sera 2 étages, 600 mètres carrés avec les 3 volets de la vie de Clémenceau, à la fois l'homme politique, l'homme privé et Clémenceau et la Vendée. Merci beaucoup Lorena. Nous nous disons à demain, chère Anissa. Oui, pour une émission très musicale demain, puisque nous serons au cœur de l'histoire de Bizet.